l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ce qu'il a délivré de la main de l'ennemi, ce qu'il a rassemblé de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident. Pour ses merveilles envers les fils des hommes.